Lui et Meur, d'une adolescente. Finissant de se vêtir, en vue de la soirée à la Maison des Jeunes et de la Culture, Faustine s'inspecte dans la glace. En général, elle se sent bien dans son corps. Jolie poitrine prometteuse, jolies jambes, pas de fesses, mais ça peut encore venir. Ah, si seulement elle avait une autre tête. Elle doit admettre tout de même que ses yeux bleus, gris, verts sont loin d'être moches. Mais c'est bien tout ce qui lui plaît. Ses cheveux frisent et ressemblent à un tas de foin. Ses joues sont trop rondes et ses pommettes inexistantes. Quant aux fossettes dont elle rêvait, bien obligée de les laisser à Shirley Temple. Faustine pense que son manque de joliesse est une des raisons justifiant que maman ne lui fait jamais de compliments. Celle-ci prétend que lorsqu'elle flattait Faustine petite fille, elle devenait insupportablement arrogante. Du coup, elle évite. Il lui est arrivé néanmoins de lâcher une ou deux fois « Quand on a des jambes pareilles, on les montre !» ou encore « Avec ces yeux-là, tu pourras... » Sans terminer sa phrase, elle a même dit une fois, entérinant son refus d'autoriser Faustine à sortir avec un garçon, « On ne jette pas des perles au pourceau. » Alors Faustine est rassurée, sans vraiment l'être. Elle ne sait jamais si sa maman la trouve jolie ou pas. Mais ça ne l'empêchera pas d'aller danser. Finalement, ceux qui sont directement concernés vont bien se charger de le lui expliquer. À la descente du bus, Faustine s'achète un paquet de gauloises filtres au bar tabac qui fait face à la gare. C'est son passeport social. Offrir une cigarette gomme la timidité, donne une contenance. Elle est une vieille habituée depuis qu'elle fréquente la MJC. Elle y a deux ou trois copains fidèles. Il y a François, spécialiste des slows, Maxime, le cerveau, et Charlie, danseur de rock'n'roll. Chaque fois que le disque jockey met Bill Haley ou Louis Prima sur la platine, elle se précipite à la rencontre de Charlie et les deux ados se lancent sur la piste dans un festival de gesticulations endiablées. Ni l'un ni l'autre ne sait danser, mais ils y mettent tellement de cœur qu'ils font plaisir à voir. Entre deux danses, Faustine trouve très amusant d'aller flirter dans les ruelles avoisinantes. La jeune fille ignore qu'à quelques centaines de mètres de là vit celui qui deviendra un jour son premier mari. Ce soir, en sirotant son soda, Faustine se demande si Martine, la copine dont elle a fait connaissance la dernière fois, sera là. C'est une pucelle aussi, bien qu'elle ait au moins 2 ans de plus. Elles se sont tout confiées dès leur première rencontre, avec cette impudeur des jeunes filles à se dévoiler jusqu'au plus intime. Il est toujours intéressant à cet âge de savoir si on est parmi celles qui l'ont déjà fait ou pas. Martine est manucure au Martinez Palace à Cannes. Elle partage volontiers quelques anecdotes croustillantes, comme celle de cet émir qui attendait tout nu dans sa chambre qu'elle lui fasse les ongles, ou encore celle de ce cheikh qui l'a invité à venir visiter son harem à Abu Dhabi. Elle dit aussi d'une autre célébrité que furieux d'avoir été négligé, il a purement et simplement racheté le restaurant dans lequel il venait de souper et on a viré tout le personnel. Voilà qui épate Faustine. Quelle drôle de planète! Martine précise qu'il faut avoir la tête bien vissée sur les deux épaules dans sa profession. Certaines filles moins sérieuses qu'elle ne sont plus là pour raconter leurs aventures. Elle évoque la traite des blanches. Elle explique également la hiérarchie de l'hôtel. La gouvernante, les femmes de chambre, les portiers, les concierges, qui sont presque les éléments les plus précieux juste après le directeur. Et les responsabilités de chacun d'entre eux. Il y a des règles très strictes qui régissent le travail dans un protocole immuable, comme à la cour d'Angleterre, pense l'adolescente. Martine surenchérit. Un seul manquement et c'est la porte. Faustine, qui adore les histoires de people, savoure chaque mot. Elle est servie. C'est mieux que Paris Flash et Confidence réunis. Aujourd'hui, Martine est soulagée. Elle vient de se trouver une chambre dans un immense appartement cannois. Les propriétaires vivent presque toute l'année à Paris. Elle aura de la place, sera enfin autonome. Faustine l'envie. En ce qui la concerne, il y a loin de la coupe aux lèvres. Ce n'est pas demain la veille qu'elle aura la paix. Alors Martine, réconfortante, lui dit qu'elle l'invitera rue d'Antibes l'été prochain. Après avoir visité son logis, elles iront pique-niquer aux îles de Lérins, c'est promis. Dimanche, Faustine dort plus longtemps. C'est un peu difficile de s'occuper sur la côte, surtout hors saison. Il lui arrive d'aller se balader longuement sur la plage. Elle s'y retrouve seule. Elle a acheté, sans savoir en jouer, un harmonica, histoire de mélanger ses lamentations au ressac. Elle s'imagine à être ta, avec un immense chagrin d'amour à jeter par-dessus les falaises. Il lui manque juste les falaises et le désespoir. Jusqu'à présent, ses atmosphères à la Maupassant lui suffisaient. Or, elle vient d'élargir son horizon. Après avoir lu 6 fois le Lys de Brooklyn de Betty Smith et s'être juré qu'un jour elle irait vivre en Amérique, elle a découvert Jean Houbron. Ses romans ont des titres très évocateurs. La gueule pleine de dents, Tu récolteras la tempête, Rage blanche ou encore Soleil au ventre. Houbron ouvre à Faustine les portes de l'Asie. Désormais, elle ne s'arrête plus en Turquie. Dans ses rêves pérégrinatoires, elle pousse jusqu'aux confins de la Chine et se jure bien de la visiter un jour. D'autres dimanches, hélas, sont moins marrants. Les parents s'obligent à une promenade de santé entraînant les enfants dans leur purgatoire. Pauvre Faustine, obligée de les précéder sur les remparts d'Antibes dans sa si jolie robe à godets, ne sachant comment disposer ses bras et ses jambes. Manquerait plus que l'acné s'invite au rendez-vous. Si au moins on n'avait pas droit systématiquement à une photo souvenir avec sa séance de pause. Heureusement, lundi est vite arrivé. Elle retrouve avec plaisir ses vieux pantalons délavés en velours côtelé et la semaine de travail reprend. En période de livraison, pas le temps de chômer. Les filles mettent le paquet. Faustine fait des allers-retours fréquents depuis les 2 garages rapportant à l'atelier, dans de vieilles housses de duvet, son lot de vanneries teintes et vernies par papa. Ensuite, eh bien, il faut coudre un à un à la main 2 petits bouquets décoratifs sur chaque couvercle en tissu. Puis, intégrer toutes les garnitures au panier et emballer le tout dans du papier de soie avant la mise en carton. Le transporteur passe prendre les colis et on passe à la suite. Le mercredi, papa se retire de bonne heure. Il n'aime pas au théâtre ce soir. Et Faustine a le droit de rester après la pièce. Maman ouvre une session de questions-réponses. La jeune fille est encouragée à parler de tout ce qui lui tient à cœur. C'est un temps de confidence et de partage qu'elle apprécie beaucoup. Bien sûr, maman se sert de ce moment privilégié pour préparer sa fille à la vie d'adulte. Entre autres, elle déclare qu'il est intolérable qu'une jeune fille se donne contre un café crème, sans même une promesse de mariage. Elle ne prétend pas qu'il faut arriver vierge au mariage. Non, mais si on peut se conserver intact, l'homme aimé ne vous en manifestera que plus de respect. Maman met Faustine en garde contre les manipulations les plus courantes. Elle raconte aussi quelques-unes de ses propres expériences. Enfin, celles que jeune fille de 16 ans est capable d'entendre. Faustine est béate d'admiration d'entendre sa mère confier que, se trouvant sur un quai de gare, elle a décidé sur l'instant de sa destination. Que c'est grisant d'imaginer ce genre de liberté. Hélas, cela n'a pas empêché maman d'être piégée par un recruteur et bloquée 3 semaines dans un hôtel au sommet du Monte Generoso, à récurer et cirer des parquets avant l'ouverture de celui-ci. Elle n'a dû son salut qu'à la gentillesse d'un client qui l'a tiré de là, mais elle y a laissé son salaire tout de même. Lors de ses conversations à bâtons rompus, elle glisse en passant certaines recommandations qu'elle estime utiles à la jeune fille. Par exemple, marcher de façon déterminée, comme si elle savait exactement où elle va lorsqu'elle est seule dans une rue la nuit. Ne jamais laisser penser qu'elle est célibataire, indépendante ou isolée, mais au contraire prétexter qu'on l'attend. Sous-entendre qu'elle est protégée, entourée. Ne pas hésiter à s'offrir le taxi après une fête, de préférence au métro ou au train. Rester dans des lieux passants au milieu de la foule, etc., etc. Faustine écoute attentivement et fera son beurre de ses séances pendant les derniers mois qu'elle passera avec ses parents. Elle compte bien, une fois son diplôme en poche, partir en tant que jeune fille au pair en Suisse. Et là, c'est sûr, maman aura les moyens de s'offrir une employée de remplacement.